Les matchs de tennis de table ouverts de Pyongyang du tournoi mondial de la Fédération internationale de tennis de table 2016 sont ouverts le 29 juin au gymnase de tennis de table de la cité Chongchun. Prévus jusqu'au 3 juillet, les matchs auront lieu entre la Corée, la Russie, la Mongolie et la Chine, divisés en simple et double messieurs et dames et en simple messieurs et dames au-dessous de 21 ans. Le 29 juin ont eu lieu les éliminatoires des simples messieurs et dames pour adultes et de moins de 21 ans.